Si quelqu'un m'avait dit il y a 7 ans, quand j'ai commencé la critique cinéma, que je verrais 20 films belges sur une année, je lui aurais répondu qu'il ou elle rêvait. Pourtant, c'est arrivé en 2017. Sur la trentaine de longs métrages sortis dans les salles, j'en ai donc vu 2 tiers. Assez pour un bilan que je vous propose en 2 parties. La première aujourd'hui, ce sera de janvier à juin, la seconde dans 2 semaines, de juillet à décembre. L'année a débuté avec une comédie romantique féminine. Faut pas lui dire, premier long métrage de Solange Sicurel. La réalisatrice a réuni un casting assez imposant. Pas mal de noir, jaune, rouge, ainsi que Brigitte Fossé, qui n'avait plus tourné au cinéma depuis 1992. Faut pas lui dire est décevant, alors que le film part bien, mais cela se dégonfle vite. Les clichés sont enfilés, tels un collier de perles. En fait, il manque un scénario solide qui aurait plus creusé les personnages. Suit la semaine suivante, Home de Finn Troc. Au moment de la sortie, je le disais, âme sensible, s'abstenir. Le 4e long métrage de Finn Troc est dur, âpre, sans concession. C'est un portrait d'adolescent flamand. Cela pourrait s'appliquer ailleurs. Le propos est universel. On pense d'ailleurs à un cousinage avec Larry Clark ou Gus Van Zandt. Ce film, je l'ai beaucoup apprécié pour sa radicalité, son intensité, également la manière de filmer, à la limite du documentaire. Cela donne une authenticité. Inspiré de faits réels, il donne froid dans le dos à certains moments. Le 18 janvier, on retrouve Isabelle Huppert et Kevin Azaïs dans une réalisation de Bavo de Furnes. On aurait pu ne pas croire au couple Huppert-Azaïs. Pourtant, ça fonctionne et ça fonctionne même bien. 8 jours plus tard, c'est un film policier, Dos de Hook, angle mort français, qui fait l'événement. Réalisé par Nabil Ben Yadir, c'est un vrai film belge. Il y a des Flamands, des Wallons, des Bruxellois. On parle flamand et français. C'est tourné à Anvers et Charleroi. Tout ce petit monde nous propose un policier haletant. On ne s'ennuie pas une seconde et l'on sait l'importance du rythme dans un film policier. Là, c'est une réussite. Février voit arriver Le passé devant nous. Premier long métrage de Nathalie Tierling. Le film nous montre la dure réalité de la vie d'une jeune call girl. C'est fait avec un certain esthétisme dans la réalisation. Quelques plans nous donnent à voir un Bruxelles plutôt étonnant. Le 1er mars, Lucas Bellevaux sonne le tocsin dans Chez nous. Il dénonce les agissements du Front National, la manière dont le parti d'extrême droite manipule les gens. Dans la distribution, il y a Émilie Dequesne, André Dussolier, Catherine Jacob, Guillaume Quix. Ce film est important dans le sens où actuellement peu de cinéastes français osent réaliser des films politiques. Donc c'est un Belge qui a dû s'y coller. Il le fait de manière convaincante parce qu'il connaît la France, y vivant depuis longtemps. Il réussit à créer une atmosphère que personnellement j'ai trouvée étouffante, sans doute due au constat implacable que dresse Lucas Bellevaux. Une semaine après, c'est Noces de Stéphane Strecker avec son 3e long métrage. Il s'inscrit dans la lignée des cinéastes ayant réalisé un film dénonçant la condition de la femme à travers le monde. Il est salutaire dans le sens où cette condition est bafouée dans bien des pays et que quelques autres veulent réviser certains droits difficilement acquis. C'est dire que le combat est permanent et qu'un film à son niveau peut permettre d'éclairer les consciences. Le film vient d'être nommé aux Lumières dans la catégorie meilleur film francophone. Paris pieds nus arrive mi-mars. Le film m'a déçu, je n'ai pas souri une seule fois, encore moins ri. La faute à une intrigue très ténue entrecoupée de scènes soi-disant burlesques. On passe en avril avec Je suis resté dans les bois de Vincent Soleil. Le long métrage a des accointances avec Cette arrivée près de chez vous. C'est conçu comme un vrai faux reportage. Comme spectateur, on est emmené entre présent et passé dans un rythme soutenu. Il n'y a pas de temps mort, on est sans cesse sollicité. Mais voit arriver Low Notes de Laurier Fourniot. Cela m'a plu presque malgré moi. J'étais comme charmé, on est face à du vrai cinéma sous le soleil californien à 2 pas d'Hollywood. Dans 15 jours, la seconde partie de ce bilan nous amènera de l'été à l'hiver. À la prochaine.